L'actualité à Nancy et ailleurs. L'IRTS de Lorraine nous invite à ses rencontres documentaires. Ce sera la 27e édition du Festival du film d'action sociale. Ça va se dérouler du 31 mars au 6 avril à l'IRTS de Lorraine. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Benoît Malherbe. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Donc vous êtes directeur du festival, responsable du festival? Allez, on va dire responsable. Mais on est plusieurs surtout à travailler sur cette édition. Donc autant citer mes collègues tout de suite. Oui. Je pense à Agathe Antoine, la coordinatrice du festival, et Solène Gobert, qui est apprentie à l'IRTS cette année et qui nous aide énormément sur l'organisation. Comme ça, elles sont citées parce que sans elles, ça ne pourrait pas avoir lieu. Voilà. Alors même si c'est la 27e édition de ce rendez-vous, on peut peut-être rappeler c'est quoi l'objectif de ce festival du film d'action sociale? Alors l'IRTS, c'est l'Institut Régional du Travail Social. Bien sûr. C'est l'Institut de Formation des Travailleurs Sociaux, donc à Nancy, quartier Haut-du-Lièvre. Et donc au début, le festival, c'était vraiment un outil pédagogique pour nos étudiants, pour changer un petit peu des cours théoriques, d'amener voilà, une autre façon de leur présenter les métiers dans lesquels ils vont s'orienter tout au long de leur formation. Et donc petit à petit, on a ouvert ça au grand public, donc c'est ouvert à tout le monde. Et ce sont exclusivement des documentaires sur la production un petit peu des questions sociales, donc voilà, le lien avec le travail social. Cette année, on a des films sur l'exil, la protection de l'enfance, les violences sexuelles faites aux femmes, etc. Donc, évidemment, des sujets d'actualité, mais aussi très sérieux, mais qui servent de support déjà pour vos étudiants, pour travailler, pour avoir un certain regard sur ces sujets-là. C'est ça, exactement. Au départ, c'est surtout pour nos étudiants, et petit à petit, on essaye de l'ouvrir au grand public. Et ça a pris, parce qu'on en est déjà à la 27e édition, ça veut dire que le public est présent aussi. Ça marche plutôt pas mal, on a eu... Comme beaucoup de manifestations, on a dû recommencer presque de zéro après 2020 et l'épisode qu'on connaît. Mais effectivement, ça marche plutôt pas mal ces dernières éditions, donc on est content. On essaye de jongler avec tout ça. Les films qu'on nous propose, par exemple, on est parti de 245 films cette année à la présélection et il a fallu faire choisir dans tout ça. Et on a gardé 32 films, si je ne me trompe pas, pour nos 5 compétitions. 245 films déjà qu'il a fallu sélectionner, enfin regarder, évaluer, puis voilà, vous en avez sélectionné 32 seulement. C'est ça, donc on fait ça en équipe avec nos collègues responsables de formation, par rapport aux thématiques, effectivement, comme vous le disiez, d'actualité, aussi par rapport aux maquettes de formation, et avec tout ce travail en discussion, en visionnage, etc., effectivement, et avec nos partenaires, on arrive à 32 films. D'une année sur l'autre, vous sélectionnez déjà ceux de l'année prochaine? Pratiquement, là, le festival se termine le 6 avril, et début mai, courant mai, au plus tard, on va ouvrir la présélection pour l'année 2026. Et donc, après, c'est les boîtes de production et les réalisateurs qui inscrivent leurs films, et puis nous, à mesure que la plateforme de visionnage se remplit, on regarde les films. 32 films qui vont concourir dans différentes catégories, hein, parce que qui dit festival, y a un jury, tout ça, donc il y a une sélection. Exactement. Donc il y a 5 catégories. Pouvez nous expliquer un peu comment vous avez sélectionné ces 5 catégories? Alors c'est les catégories, on va dire, un peu historiques. Il y en a 2, surtout. Il y a le prix du regard social, qui est composé, en fait, de travailleurs sociaux et ou réalisateurs, donc comme ça qui font un petit peu le lien entre la production audiovisuelle et le travail social. Ce jury-là, il doit remettre un prix de 750 € qui est financé par Harmonie Mutuelle, un de nos partenaires fidèles. Et cette année, par exemple, il est composé de 3 personnes. Donc il y a Anne Youkoum, une réalisatrice qui fait des films évidemment liés au... Alors plus sur la protection de l'enfance, etc. Sur toutes les questions de l'enfance et du développement de l'enfant. Il y a aussi Alexandre Magy, qui est réalisateur plutôt local sur Nancy, et Patrick Cronier, qui fait partie d'Harmonie Mutuelle de la commission sociale. Le deuxième jury, c'est le jury Regard étudiant, donc comme son nom l'indique, composé d'étudiants de l'IRTS. Oui. Pareil, ils remettent un prix de 750 € financé par l'IRTS. Alors, il y a des étudiants de chez nous à Nancy. Il y a des étudiants de Ban-Saint-Martin, parce que l'IRTS a un site à Ban-Saint-Martin, et d'ailleurs sur d'autres territoires et d'autres départements de la région. Il y a aussi 2 étudiants de Reims, j'ai failli les oublier. Donc on essaye d'ouvrir ce jury aux écoles du Grand Est. D'accord. Il y a aussi un regard public. Oui, alors le regard public, jusqu'ici on travaillait avec l'association Aurélia. Oui. Et le GSA, le groupe solidaire actif, qui je crois avait une émission ici, tout à fait. En tout cas intervenait souvent. Oui. Donc là, pour diverses raisons, le GSA reste un petit peu... En retrait. Un petit peu, il s'est mis un petit peu en retrait, effectivement, et ça a été repris par la MJC Nomade, à Vendeuvre. Donc eux, ils ont une sélection, ils travaillent à partir des 245 films, et ils font leur travail tout au long de l'année aussi, et ils arrivent à petit, comme ça, à une dizaine de films, pour nous donner le film du prix du regard public, qui est financé à la hauteur de 400 euros par le centre social MJC Nomade. Et là, ceux qui composent ce jury, c'est des personnes qui ne sont pas forcément étudiantes, qui ne sont pas forcément de ce monde-là. Ouais, c'est un jury composé de personnes, alors là, on les laisse travailler, et puis se composer pratiquement eux-mêmes. Donc au départ, c'était le GSA, donc les membres du groupe Solidaire Actif, avec l'aide de Lionel Blaise. Oui. L'éducateur qui travaillait avec eux. Et puis là, il y a à la fois les gens du GSA qui sont toujours intéressés par le projet, des membres de la MJC qui vont faire des activités à la MJC Nomade, et puis d'autres structures de Nancy, et puis un petit peu plus loin. Et en fait, ils sont, je crois, une trentaine au total. Ils sont encore en phase de visionnage, une des dernières, pour continuer de discuter, de choisir le film qui va les toucher le plus, ou, etc. Et pouvoir, lors de la cérémonie du palmarès, rendre le prix. Le prix du regard public. Regard public, oui. Il y a aussi deux autres catégories qu'on n'a pas abordées. Il y a le regard lycéen et le regard jeunesse. Donc là, on comprend que les lycéens, c'est avec des lycéens. C'est les lycéens qui sont dans le dispositif des cordées de la réussite. Il y a des chances qu'ils se spécialisent dans des métiers du travail social également. Mais ils ont déjà une certaine sensibilité sur cette question-là. Ouais, effectivement. Et donc, ils ont une sélection un peu plus serrée cette année, donc de trois films. Et ils se réunissent en groupe, ils visionnent les trois films et ils doivent aussi en choisir un. Et ce prix, il est à hauteur de 500 euros, décerné par le prix des cordées de la réussite et le rectorat. Et le regard jeunesse, enfin, pour... Et le regard jeunesse, alors c'est un nouveau partenariat cette année, c'est un nouveau jury. Donc c'est avec l'association Adali Habitat. Ils vont décerner le prix donc regard jeunesse Adali d'un montant de 400 euros. Et ce sont des jeunes de l'association qui se réunissent. Eux, ils en ont un petit peu plus, si je ne me trompe pas, ils ont 9 films. D'ailleurs, ils seront aussi présents le lundi soir à l'inauguration parce qu'on fait une séance spéciale autour d'un film qui traite des MNA, donc les mineurs non accompagnés. Voilà, donc le lundi 31 mars à l'IRTS. On le voit, ce travail, il est bien fait en amont déjà avec des publics extrêmement différents, mais l'événement, ce sera du 31 mars au 6 avril, mais avant cela, il y a eu tous ces visionnages, ces débats aussi, parce que ça amène beaucoup de discussions, il faut se mettre d'accord sur les films qui vont être sélectionnés dans chacune des catégories, c'est énormément de travail, mais c'est extrêmement enrichissant, j'imagine, pour tout ce public-là. J'espère, en tout cas pour nous, ça l'est. Ouais. Et on a l'impression, effectivement, au fil des discussions, des échanges, des débats, des fois, on n'est pas tous d'accord, il faut arriver à la fin à se mettre d'accord, et c'est... Effectivement, je pense, très enrichissant, et c'est les retours qu'on a quand on prend le temps un petit peu de discuter après toutes ces étapes-là, et il y a un retour sur expérience, et c'est vrai que souvent on nous dit que c'est alors assez dense, que ça peut être un peu parfois compliqué vu les thématiques des films, mais qu'effectivement au final, il y a beaucoup de choses à en tirer, et si je pense les partenaires reviennent chaque année, ou on arrive à attirer de nouveaux partenariats, c'est qu'ils y trouvent quelque chose d'intéressant, oui. Alors quand on parle de rencontres documentaires, c'est des films documentaires, c'est des films de durée assez variée, mais relativement courte quand même. Ce sont que des documentaires, effectivement. Là, il n'y a pas trop de règles, sauf la seule, c'est qu'il ne doit pas excéder 90 minutes. Ouais. Donc on peut aller, ça dépend des années. On a déjà eu un film d'ailleurs qui avait été primé à l'époque, qui durait une minute. Mais qui arrivait en une minute à dire beaucoup de choses. Et voilà, l'autre limite, c'est 90. Cette année, je pense, la moyenne, on est autour des 50-55 minutes. Donc là, ils sont cette année un peu plus longs. Si je dois donner une moyenne, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a, sur certaines programmations, on diffuse un seul film parce qu'on tient beaucoup au terme rencontre, parce qu'à chaque fois, on a un débat après la projection. Si on peut, enfin, tous les réalisateurs et réalisatrices sont invités à venir. On est content cette année parce qu'il y en a pratiquement 90%, je pense, qui ont répondu présent, donc qui seront à Nancy et sur nos délocalisations. Et donc, le mot rencontre, c'est parce qu'à chaque fois, il y a le public, l'équipe d'organisation, les partenaires et les réalisateurs, réalisatrices qui viennent débattre, parler de leur projet. Mmh. Et donc, c'est cette émulation, je pense, qui permet à nos étudiants d'en tirer des choses différentes d'un cours théorique, au grand public et puis aux réalisateurs aussi. Je pense qu'ils aiment bien pouvoir discuter avec le public de leur projet. Donc vous avez dit que ce festival, il est décentralisé aussi, c'est pas que à Nancy, hein. C'est quelle autre ville à peu près on peut Alors cette année, on en a 9 au total. Donc il y a alors l'IRTS qui est à Nancy, il y a une projection chez Harmonie Mutuelle, c'est à Nancy aussi, mais il y a une projection à Bar-le-Duc, Par exemple, dans nos sites délocalisés de l'IRTS, donc à Verdun, à Longwy, à Thaon-les-Vosges, je vais essayer de ne pas en oublier beaucoup. Et par exemple, on parlait tout à l'heure du jury regard public avec la MJC Nomade. On fait une projection là-bas le mardi soir, le 1er avril. Et donc, bah, d'ailleurs, le réalisateur sera là et le président de l'association qui a participé au projet du film. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à venir parce que toutes ces séances sont ouvertes au grand public et gratuites. Et les films, on peut déjà les voir aussi une partie. Pas tout le monde. Pas tout le monde. On va dire que ceux qui peuvent déjà aller voir, c'est les gens qui sont encore sur un travail de sélection et pour décerner leur prix. Par contre, c'est la deuxième façon, on va dire, de voir tous nos films, ou pratiquement tous. Il y a une plateforme de diffusion en ligne qui, pour le grand public, pour tout le monde, ouvrira en même temps que le festival. Donc lundi 31 mars, dans la matinée, un petit peu avant l'inauguration, et qui elle sera ouverte jusqu'au dimanche soir 23h59, hein, c'est précis, mais c'est juste qu'elle va se couper automatiquement. Ouais. Et sur cette plateforme, vous avez accès à la totalité ou presque des films qui vont être diffusés, donc des films en compétition, gratuitement. Il suffit de créer un petit compte, une adresse mail, un mot de passe que vous choisissez, et après vous avez accès toute la journée, 24 heures sur 24, comme vous le voulez, à tous les films. Et ça c'est vraiment super, parce que même si on ne peut pas se déplacer, même s'il y a plusieurs lieux de décentralisation, où qu'on soit, on pourra voir un peu. Alors c'est sûr qu'on perdra le côté contact humain et dialogue et débat avec les réalisateurs et toutes les personnes qui seront là, mais ça fait longtemps que vous faites cette méthode-là. Alors c'est parti d'une situation pas agréable, les confinements et la période Covid, on n'a pas pu faire l'édition 2020 du tout, qui était prête, tous les films étaient choisis. En 2021, on n'a pas pu non plus, mais on s'est rabattu sur une édition 100% en ligne. Et depuis, en fait, on s'est dit, finalement, cette plateforme, elle peut être intéressante pour, effectivement, les gens qui ne peuvent pas se déplacer, faire une délocalisation, décentralisation, parce que c'est effectivement, techniquement, c'est assez simple. Et puis, les gens, même, disons, d'autres régions, qui on a de la chance d'arriver à attirer un petit peu des gens avec nos partenariats, et donc, ça leur permet de se... Alors, effectivement, ils ne peuvent pas assister au débat. Ça reste ça, un petit peu, la valeur ajoutée d'être dans les salles de projection, mais en tout cas, cette plateforme, on la garde parce qu'elle a du succès. Mmh. Et pour la petite anecdote, au début, elle était sur la même temporalité que les diffusions dans nos salles, donc du lundi au jeudi. Mmh. Et en fait, maintenant, le festival dure le week-end en plus, en ligne uniquement, mais c'était une demande forte des gens qui, quand on travaille la semaine et qu'on ne peut pas venir dans les salles, au moins le week-end pour pouvoir voir nos films. Et je vous donne l'adresse. Oui, il suffira de taper donc à partir du... Donc là, vous pouvez y aller, mais il n'y a pas de film. Donc c'est festival.irts-lorraine.fr. Vous mettez ça en favori et vous pourrez vous connecter et voir tous les films si vous le souhaitez. Mais bien sûr, le mieux, c'est d'encore de venir. Alors, sur le site-là, on peut retrouver tout le programme peut-être aussi. Le trouver sur le site de l'IRTS, par exemple, il y a un lien. Sur la plateforme, vous aurez plutôt les films et tous nos réseaux sociaux. On a le festival. Si vous faites une recherche Festival du film d'action sociale Nancy, sur les réseaux sociaux, vous trouverez une page dédiée pratiquement sur tous, sous forme de vidéos, enfin tous les formats actuels. Et sur chacune, vous pouvez avoir accès par lien au programme complet. Et on le rappelle, ce festival est gratuit. Il est ouvert à tous, c'est gratuit. Ça, c'est toujours une volonté. C'est important de garder cette gratuité. On y tient beaucoup. Pour l'instant, on arrive à le maintenir grâce à l'IRTS qui s'implique, grâce à nos partenaires. Effectivement, on y tient beaucoup. Ouais, donc, on va essayer de maintenir cette gratuité à la fois dans nos salles, chez nos partenaires, dans nos décentralisations et en ligne. Voilà. Donc aujourd'hui, cette année encore, il sera entièrement gratuit, quelle que soit la forme que vous choisissez. 27e édition du Festival du film d'action sociale, c'est du 31 mars au 6 avril à l'IRTS de Lorraine, mais aussi en ligne et un peu partout, même sur le département et la région. Merci beaucoup Benoît Malherbe. Je vous laisse peut-être le dernier mot concernant cette nouvelle édition du festival. Comment vous la souhaitez ? On la souhaite aussi riche qu'on l'imagine, parce que nous, en sélectionnant les films, toute l'équipe on s'est dit qu'on avait encore cette année la chance d'avoir vraiment de très beaux documentaires qui nous ont été proposés. Certains retentissent un peu plus quand on les a vus par rapport à l'actualité. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de richesse à en tirer, d'éclairage sur ce qui se passe à la fois près de chez nous, puis même un petit peu plus loin. Parce qu'on a des films qui viennent de l'étranger et qui traitent de sujets à l'étranger, mais finalement qui devraient nous intéresser. Donc je pense qu'il y a vraiment... des choses à aller y voir, à en tirer, et pour être un petit peu éclairé un petit peu plus sur ce qui se passe tout autour de nous. Donc si, voilà, si nous, notre but c'est ça, c'est que les gens, ils aillent piocher un petit peu selon ce qui les intéresse, et puis avoir un petit peu de curiosité, ça peut être pas mal aussi, pour des fois découvrir un petit peu des choses et sortir un peu de ce dont on a l'habitude. Donc on la souhaite riche, comme d'habitude, de débats, d'échanges, de discussions, d'émotions. Nous, on les a ressentis en voyant les films, et on espère que le public les ressentiront autant que nous. Toutes ces choses-là. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à vous encore une fois de nous avoir reçus et de donner un petit peu d'éclairage à notre festival. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.